Chapitre 1. Il est bien probable que dans une dizaine d'années, cette question des odeurs de Paris, qui nous a si fort tourmentés, n'existera plus. L'administration en a trouvé la solution, une solution pratique, et qui aurait pu être déjà réalisée si... Ah, dame, il y a un si. Vous croyez sans doute que je vais ajouter, si la réalisation n'en devait pas coûter si cher, si elle ne devait pas gréver d'un nombre énorme de millions le budget de la ville et celui de l'État. Eh bien non. Les travaux seraient relativement peu dispendieux. Il y a plus. La ville et l'État seraient sûrs, ou à peu près, de rentrer, au bout de quelques années, dans leurs avances. Non, ce n'est pas là que gît la difficulté. Où donc est-elle ? C'est que le projet des ingénieurs vient se heurter contre les répugnances d'un public qu'il faut absolument ménager. Ces répugnances, si on les examine à la lumière de la saine et froide raison, sont absurdes. Elles n'ont pas leur raison d'être. Mais, vous le savez tous, une répugnance, c'est affaire de sentiment. Et le sentiment ne raisonne pas. Qu'y a-t-il de plus tenace au monde qu'un préjugé ? La répugnance est un préjugé de la sensibilité, comme le préjugé est une répugnance de l'esprit. C'est donc le public qu'il faut persuader. Ah, si le public avait le temps ou le goût de lire les livres de science, d'écouter les hommes compétents, il aurait bien vite fait de s'éclairer. Le préjugé céderait devant la clarté des déductions scientifiques et emporterait la répugnance de la foule. Mais il n'y a pas lieu d'espérer que la foule mettra le nez dans les rapports que les directeurs des travaux de Paris adressent à l'administration, dans les bouquins que les hygiénistes écrivent sur ces matières abstraites, dans les comptes rendus des débats académiques. Il faut donc présenter, sous une forme plus intelligible, plus aisée, les vérités acquises et tenues pour certaines par les gens du métier. Je m'en vais les dépouiller de tout appareil de démonstration scientifique, préférant aux détails rigoureux et précis celui qui me semblera le plus propre à l'imagination. Aussi bien, ce petit travail ne s'adresse-t-il point aux ingénieurs, qui n'ont rien, bien entendu, à apprendre de moi, mais aux bonnes gens qui ne savent que peu de choses de la question, et qui, malheureusement, par un penchant trop naturel à l'homme, l'ont tranché dans leur esprit sans en vouloir rien apprendre. Il n'est pas un Parisien qui ne connaisse la presqu'île de Gennevilliers, de nom, à vrai dire, plus que de fait. Combien peu d'entre nous ont visité ce coin de terre et s'y sont arrêtés ? On en parle, on n'y va pas. Si vous voulez bien vous reporter à n'importe quelle carte des environs de Paris, vous aurez l'explication de ce mystère. Imaginez un homme, se courbant en deux, les bras parallèlement allongés, comme pour empêcher quelqu'un de s'échapper à droite ou à gauche, vous aurez l'aspect de la scène à cet endroit. La cavité que feront et la portion renflée du dos et les deux bras tendus, c'est la presqu'île de Gennevilliers. Un des deux bras la tient à l'écart de Paris, dont elle n'est distante que de 2 ou 3 kilomètres, l'autre la sépare de ces jolies contrées, si chères aux touristes parisiens, Sannois, Montmorency, Hermont. Ni au nord, ni au midi, la presqu'île de Gennevilliers n'a de porte ouverte sur l'extérieur que par un très petit nombre de points. Elle n'est point traversée par de grandes routes. Deux chemins de fer passent, l'un à droite, celui de Saint-Denis, nord, l'autre à gauche, celui d'Asnières et d'Argenteuil, ouest. Aucun des deux ne l'entame. Ils l'abornent au contraire, ils l'enserrent et emportent des deux côtés, le long du pays, les voyageurs qui ne la voient que du haut des wagons et n'ont jamais eu l'idée de s'y attarder une fois. C'est donc un pays parfaitement isolé et qui, jusqu'en ces dernières années, était resté, pour ainsi dire, en dehors de toute civilisation. Les habitants, j'allais dire les indigènes, tenaient quelque peu du sauvage. Beaucoup n'étaient jamais sortis de leur presqu'île et ne connaissaient que par ouï-dire Paris, qu'ils touchaient en quelque sorte de la main. Ils avaient gardé les mœurs farouches qu'on ne trouve plus que dans certains villages perdus au fond de provinces montagneuses et de difficile accès. Il faut dire aussi que la terre où habitaient ces pauvres gens n'était pas riche et ne pouvait fournir à de nombreux échanges. La Seine, autrefois, j'entends au temps préhistorique, avait empli toute cette vallée de ses eaux. Peu à peu, elle s'était creusée, le volume de son débit se réduisant, un lit moins vaste, celui que nous lui voyons à cette heure. Le terrain, laissé par elle, était du sable de rivière, sur lequel s'était étendue une maigre couche de terre, plus ou moins végétale, sur laquelle il ne croissait pas grand-chose. ceux de vous qui souhaiteraient des renseignements précis sur la formation du bassin de la Seine n'ont qu'à lire un ouvrage extrêmement curieux qui vient de paraître, « La physiographie » de M. Huxley. Le titre est un peu barbare, mais ne vous laissez pas rebuter par le nom scientifique du livre. Achetez-le, étudiez-le. Vous y trouverez une série de leçons familières à la portée de tout le monde, même du plus ignorant, sur les vicissitudes par où notre Terre est passée avant d'être ce que nous la voyons, sur celles qui l'attendent, puisque la nature tout entière est dans un perpétuel devenir. Je ne connais guère d'ouvrage scientifique plus clair, plus amusant, plus instructif. Il s'y trouve une longue étude sur la formation du bassin de la Seine, et si je vous le signale, c'est que les documents administratifs dont je me suis servi sont rares et d'une lecture qui n'est pas toujours commode. Huxley est un des plus merveilleux vulgarisateurs qui ait pris soin d'initier la foule aux découvertes de la science. Tel était donc l'état de cette presqu'île de Gennevilliers il y a quelques années. À 2 kilomètres de Paris, à une portée de fusil d'anière, elle était une sorte d'oasis de la barbarie en pleine civilisation. La population, qui était peu dense, cultivait tant bien que mal un sol rebelle. Elle n'avait qu'à gratter la terre pour rencontrer le sable stérile et l'aride caillou. Quelques maisons de campagne avaient poussé, ça et là, autour de Gennevilliers même. Mais c'était par exception, car l'émigration de la bourgeoisie parisienne en quête de villa passait à côté et poussait généralement plus loin. Les personnes qui s'y étaient arrêtées n'avaient pu être séduites que par le bon marché des terrains. Il semblait que ce pays, frappé d'une sorte de malédiction, ne dût jamais se relever de cette déchéance, lorsque, en 1866, la Commission des égouts de Paris le choisit pour théâtre d'une expérience qui devait en changer heureusement la face.